Jacques s'échappe des mains de son maître, entre dans la chambre de ses coupe-jarrets, un pistolet armé dans chaque main. « Vite, qu'on se couche !» leur dit-il. « Le premier qui remue, je lui brûle la cervelle !» Jacques avait l'air et le ton si vrai que ces coquins, qui prisent tout autant la vie que d'honnêtes gens, se lèvent de table sans souffler le mot, se déshabillent et se couchent. Son maître, incertain sur la manière dont cette aventure finirait, l'attendait en tremblant. Jacques rentra, chargé des dépouilles de ses gens. Il s'en était emparé pour qu'ils ne fussent pas tentés de se relever. Il avait éteint leur lumière et fermé à double tour leur porte, dont il tenait la clé avec un de ses pistolets. « À présent, monsieur, dit-il à son maître, nous n'avons plus qu'à nous barricader, en poussant nos lits contre cette porte et à dormir paisiblement. » Et il se mit en devoir de pousser les lits, racontant froidement et succinctement à son maître le détail de cette expédition. « Jacques, quel diable donc es-tu ? Tu crois donc ? Je ne crois ni ne décrois. S'ils avaient refusé de se coucher, cela était impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas fait. S'ils se relevaient, tant pis ou tant mieux. Si la mer bouillait, dit Jacques, il y aurait, comme on dit, bien des poissons de cuit. Que diable, monsieur, tout à l'heure, vous avez cru que je courais un grand danger, et rien n'était plus faux. À présent, vous croyez un grand danger, et rien, peut-être, n'est encore plus faux. Tous dans cette maison, nous avons peur les uns des autres, ce qui prouve que nous sommes tous des sots. » Et tout en discourant ainsi, le voilà déshabillé, couché et endormi. Son maître, en mangeant à son tour un morceau de pain noir et buvant un coup de mauvais vin, prêtait l'oreille autour de lui, regardait Jacques qui ronflait et disait « Quel diable d'homme est-ce là ?» À l'exemple de son valet, le maître s'étendit aussi sur son grabat, mais il n'y dormit pas de même. Dès la pointe du jour, Jacques sentit une main qui le poussait. C'était celle de son maître qui l'appelait à voix basse. « Jacques, Jacques, qu'est-ce ? Il fait jour. Cela se peut. Lève-toi donc. Pourquoi ? Pour sortir d'ici au plus vite. Pourquoi ? Parce que nous y sommes mal. Qui le sait ? Et si nous serons mieux ailleurs ? Jacques ? Eh bien, Jacques, Jacques, quel diable d'homme êtes-vous ? Quel diable d'homme es-tu ? Jacques, mon ami, je t'en prie. »